Je sais que vous allez parler l'année prochaine. Et la France au courant des bois. Bonjour et bienvenue à La Chance aux coureurs des bois, une émission spéciale de La Chance aux coureurs. Mon nom est Mathieu Plante. Le mien c'est quoi? C'est Danny Fongier. Salut. Salut Danny Fongier. Bienvenue dans notre track. Bienvenue tout le monde, bienvenue à notre spécial de Noël, bienvenue à notre émission où on présente de la musique traditionnelle, de la musique du jour de l'an, de Noël, tout ce qu'il y a de bon de reçu cette année en 2006. C'est ça, man. Mais qui est sorti en 2006, parce que sinon on aurait pu en avoir pour... C'est ça. Trois semaines à vous en mettre. On aurait fait 8 heures d'émission ce matin, mais non, on garde quand même le concept original de La Chance aux coureurs, qui est de découvrir la musique présentement et ce qui va peut-être jouer ailleurs un jour. Chose qui, durant les parties des fêtes, au moins. Quelque chose qui pourrait plaire à vos amis à Noël. Faut commencer sur une bonne note quand même ici au Coureur des Bois. C'est le nouvel album des Résidus Plasmiques de Noël. Un must. On reçoit souvent des albums des Résidus Plasmiques. Hein? Son deuxième de Noël qu'on a ici en... Absolument. On en a un autre de l'année passée qui avait fait fureur. Qu'on a fait jouer à profusion dans le spécial Coureur des Bois l'année passée. On commence par la première pièce de l'album qui s'appelle Les Charmes Bruns de l'Hiver. Quelque chose qu'on aimerait quasiment avoir en ce moment, les Charmes Bruns de l'Hiver, parce qu'on n'a pas de neige à peine. Quoi. Ben, en ce moment, c'est pas mal Charmes Bruns. Je trouve que c'est totalement dans le ton. Tu trouves? D'accord. Ouais. Bon, allons-y avec ça demain. Au spécial Coureur des Bois, La Chance au coureur. Thank you. pays des moins que rien. Tu as peut-être marché dessus et tu ne t'en es jamais aperçu. Car c'est une histoire trop simple pour les journaux. Y'a pas assez de sang pour la télévision. Y'a pas assez larmoyant pour la radio. Y'a pas assez de victimes pour les prochains numéros des grands magazines. Jamais rien, car c'est un trop simple malheur, et tout ça bien que ce n'est pas très vendeur. Une histoire trop courte pour en faire un film, pour porter au théâtre c'est trop tranquille. N'en fera pas un livre, il n'y a pas assez de mots. Vaut même pas la peine de prendre une photo. Hey, hein? Hey! Wow, bienvenue au festival Coureux des Bois. Yeah! Donc, on est dans notre shack et j'ai un petit texte ici qu'on aurait dû lire avant la présentation des pièces parce que c'est un avertissement. Oh, d'accord. Donc, c'est toi le mononcle qui rêve à Noël. En juillet, qui frémit de joie à la pensée des prochains becs mouillés du réveillon. Toi, la matante qui se pâme devant les superbes décorations gonflables et pour qui raquette n'est pas synonyme de tennis. Éloignez-vous de cet album car il contient des messages, eux disons des messages parfois, mais hein, parce qu'il est vraiment écrit mais hein. Donc, qui sont assez éloignés de la doctrine des centres d'achat. C'est M. Claude C. Giroux. Toujours aussi bon, toujours aussi rempli d'imagination. Et d'actualité. Oui, toujours des choses qui tournent autour d'un thème courant dans la vie, peut-être l'Halloween. En même temps, très engagé, hein? Oui. Parce qu'il y a vraiment des opinions, il nous en parle. On sait qu'il est vraiment contre tout ce mercantilisme exagéré où on est emporté à la pendant le temps de Noël. Et c'est fait maison. Totalement. Par Claude Giroux. C'est d'aller voir maison, justement, qu'on... FamilleCG.com, c'est le nom du site. Et vous pouvez downloader toutes les pièces, parce que, justement, c'est un gars qui est pas là pour vendre des albums, vraiment. C'est là pour faire découvrir ses idées, sa musique, sa folie. Donc, merci à Claude Giroux. On a entendu deux pièces, Noël d'une crotte de chien et les charmes bruns de l'hiver. On va avoir la chance d'entendre d'autres pièces, certainement, de nos amis les risques du plasmique. Plus tard durant l'émission. Et parlant de plus tard, durant l'émission, on a plein de bonnes choses à venir dans ce spécial, ce troisième spécial annuel, La Chance au coureur des bois. Plus tard, on va avoir une entrevue avec La Volée de Castor, réalisée par Danny Janvier. On va aussi entendre beaucoup de musique d'eux. On a un album de mes aïeux. Oui, puis il faudrait parler de Gestation Rap qui nous a composé une pièce le 20 décembre, donc il y a deux jours. Wow. Et on l'a, je l'ai fini de la produire. On a fini de la produire exclusive. Elle a joué nulle part, ça a pratiquement même pas joué encore sur le MySpace, mais elle est disponible myspace.com/gestationrap. Ça va être plus tard dans La Chance au coureur des bois 2006, mais tout de suite on y va avec un album qu'on a reçu cette année aussi parce que c'est ce qu'on fait, on découvre les nouveautés de Noël, du temps des fêtes, de traditionnel qu'on a reçu en 2006. Prochain album, c'est Les Tireux de Roche avec Papier et Ciseaux, le nom de leur album. Oui, puis qui vont être en spectacle quelque part. J'ai vu ça dans Le Voir hier. Je vais vous le dire un peu plus tard après la pièce. Exactement. On s'en va entendre un medley de pièces qui s'appelle La vie d'un homme, Persifou et le rire des ciseaux tout de suite à La Chance. Au coureux des bois. 2006. La vie d'un homme, la connaissez-vous? La vie d'un homme, c'est dans un coin qui grogne. Pour la vie d'un garçon, c'est vider les flacons. La vie vie d'une femme, la connaissez-vous? La vie d'une femme, la connaissez-vous? La vie d'une femme, c'est fait la chicane. La vie d'un homme, c'est dans un coin qui grogne. Bon, la vie d'un garçon, c'est vider les flacons. La vie d'une fille, la connaissez-vous? La vie d'une fille, la connaissez-vous? La vie d'une fille, c'est dans le miroir qui se mire. La vie d'une femme, c'est fait la chicane. La vie d'un homme, c'est dans un coin qui grince. Oh, la vie d'un garçon, c'est vider les flacons. La vie d'une sœur, la connaissez-vous? La vie d'une sœur, la connaissez-vous? La vie d'une sœur, c'est dans le couvent qui pleure. La vie d'une fille, c'est dans le miroir qui se mire. La vie d'une femme, c'est fait la chicane. La vie d'un homme, c'est dans un coin qui grince. Oh, la vie d'un garçon, c'est vider les flacons. La vie d'un prêtre, la connaissez-vous? La vie d'un prêtre, la connaissez-vous? La vie d'un prêtre, c'est dans l'église qui prêche. La vie d'une sœur, c'est dans le couvent qui pleure. La vie d'une fille, c'est dans le miroir qui se mire. La vie d'une femme, c'est fait la chicane. La vie d'un homme, c'est dans un coin qui grogne. Oh, la vie d'un garçon, c'est vider les flacons. Oh, la vie d'un garçon, c'est vider les flacons. deux pièces des Tireux de Roche à la chance au courant des bois. L'album s'appelle Les Tireux de Roche, papier, ciseaux. On a entendu le Reel d'Affaisse crampée. Et avant ça, c'était le medley La vie d'un homme, Persifou et le Reel, des ciseaux. Hein? Oh, c'est trop, trop real. Real One, Matt Palanters. The Real Man, The Real One. C'est ça. OK, donc voilà, ça c'était pour les Tireux de Roche. On va passer au nouvel album du Henry Band. Nouvel album dans le sens qui est sorti cette année en 2006. C'est le concept de l'émission qu'on fait aujourd'hui. On découvre les nouveautés de Trad. De Trad, de Noël, Joe Dolan. Hein? Toute la Chanukah. La Chanukah. La je sais que c'est d'accord. Bon, donc voilà. L'album du Henry Ben s'appelle Rock'n'Roll de campagne. On va commencer par la pièce J'ai soif. Et on envoie ça pour tous les étudiants musulmans du campus. C'est ça, juste pour vous autres. Restez là, l'entrevue avec la volée de Castor s'en vient au retour. J'ai soif tout court, de long en large, j'ai soif d'amour. J'ai soif tout court, de long en large, j'ai soif toujours. J'ai soif d'hier, j'ai soif au bord de la crise de nerfs. J'ai soif de bière, soif au bord de la cuisinière. J'ai soif dans le coin de la patinoire, j'ai soif sur le banc des punitions. J'ai soif après ma game d'hockey, quand il est en chambre. Soif en faisant le tour du libraire, soif sous stage en train de danser, et soif au point de plus fonctionner, collé au bord pour y rester. J'ai soif tout court, de long en large, j'ai soif d'amour. J'ai soif tout court, de long en large, j'ai soif toujours. J'ai soif d'hier, j'ai soif au bord de la crise de nerfs. J'ai soif de bière, soif au bord de la cuisinière. J'ai soif des fois, j'essaie de m'entendre avec mon foie. J'ai soif des fois, ça arrive, je suis capable après trois fois. J'ai soif tout le temps, une petite pinte, c'est pas méchant. J'ai soif tout le temps, deux, trois pintes pour se mettre dedans. J'suis bien assoiffé, j'cuisine peut-être trop épicé. J'ai soif bien à côté, tout le monde en ligne pour aller pisser. Hey! J'ai plus d'argent, j'ai soif, j'ai perdu mes dents. J'ai soif tout court, de long en large, j'ai soif d'amour. J'ai soif tout court, de long en large, j'ai soif toujours. J'ai soif d'hier, j'ai soif au bord de la crise de nerfs. J'ai soif de bière, soif au bord de la cuisinière. J'ai soif quand je pense à ma paye, j'ai soif quand je vais vendre mes bouteilles. J'ai soif même si je me tiens plus de bout. Collé au bord avec un métro. J'ai soif quand on part en tournée, on écoute super à gorge déployée. J'ai soif quand on entend de l'accordéon. J'ai soif tout court, de long en large, j'ai soif d'amour. J'ai soif tout court, de long en large, j'ai soif toujours. J'ai soif d'hier, j'ai soif au bord de la crise de nerfs. J'ai soif de bière, soif au bord de la cuisinière. We'll be right back. retour, encore un peu de Henry Bend et puis la volée de castor à la chance aux couleurs des mois. Vous écoutez le spécial La chance aux coureurs des bois. J'ai volé ton punch. Cette vitesse, c'est à la vie. Vie là, hein? Moi, j'haïssant les faux semblants, les simili, puis les imitateurs. La girouette, la politique qui vire un bord et qui nous manque de l'autre. Les hommes d'affaires, les gestionnaires, les arrivistes, puis toutes les cliquants est. Les vire-capots du vent de changement, un pas à gauche, du mille à droite, et qui finissent comme députés chez les conservateurs. Moi, j'en veux plus des gouvernants qui cèdent sous la pression des lobbyistes. Je veux rien savoir du marketing pis des marchands de la société mondiale. J'achète en Chine, j'achète en Inde, je déménage mon usine au Bangladesh. 300 millions d'actionnaires qui rêvent de 15% de profit. Un petit REER, un compte placement, si ça marche pas, je vais mes avoirs dans les pharmaceutiques. J'haïs ça, le bruit des foules, les grands parleurs et les concours de petits faiseurs. Comme les réformes de la psychopop qui sont censées faire de nous autres des hommes meilleurs. Je trouve ça bien clair qu'en vieillissant, on devient de plus en plus inconséquent. C'est comme la religion, les dieux vengeurs, puis toutes les quêtes de vérité. Ça dogmatise, ça stigmatise, ça pète les plombs, puis ça s'engueule, et ça fait vendre des bombes. Comme ça, des fois la vie nous amène à faire des drôles de choix. C'est comme manger ce qu'on trouve à l'épicerie sans reconnaître ni comprendre les ingrédients. S'acheter un 4x4 hybride en pensant sauver la planète du désastre. Quand les octopus noirs et jaunes lancent leur haleine empoisonnée au visage des enfants sous le regard des surveillants dans nos belles cours. Trois pièces du Henry Bend ici à la troisième édition du spécial La chance au coureur des bois. Hein, aussi fou 89 FM. Donc, de leur album du Henry Bend qui s'appelle Rock'n'Roll de campagne. On a entendu la pièce C'est juste moi et juste avant c'était J'ai soif. C'était très bon, vraiment, Henry Bend. Ah, ça fait du bien. Donc, vous êtes à l'émission où on découvre la musique de Noël, du temps des fêtes, du jour de l'an, la musique traditionnelle qu'on a reçue pendant toute l'année 2006. Hein, à la chance au coureur ici. Et effectivement. Avec Danny Janvier et Mathieu Plante. Je dirais même effectivement, Régent. Effectivement, Roger. Et maintenant, c'est rendu le moment de l'émission qu'on attendait tous depuis tantôt. Hein? Ben, c'est parce que ça brasse. Ça va être très, très bon. C'est l'entrevue avec la volée de castor et on va entourer ça de pièces. La volée de castor, ça va être génial. On commence par, bon, évidemment, ça vient de leur nouvel album qui s'appelle l'album du temps des fêtes. Super original. Ben, moi, c'est l'album du temps des fêtes. C'est celui-là. Pour moi, là. Notre fond, on l'a fait jouer ici, avec le medley qu'on pourrait dire, c'est vraiment avec ça que ça start. C'est ça. Bon, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance des fêtes, malgré qu'il n'y a pas tant de neige que ça, ça, ça va sûrement aller. Hein? Mettez de la neige dans votre tête. Oh, que c'est beau! Vous écoutez la spéciale, La chance au coureur des bois! Non, dis-le, refais-le. la chance. Coureux des bois. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Tapez la galette, les garçons, les filles avec eux. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. 3, 4. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec eux. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. Préparez-vous son père pour fêter le jour de l'an. Y'aura de la bonne tourtière, pis du ragoût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse. C'est le bon temps d'en profiter, ça n'arrive bien qu'une fois par année. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui souffle dans les branches, qui siffle la romance qui chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le temps, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Le papa, le pipi, le bobo, le pupu, le pépère Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, son gros parka. Le père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Un train pour Baleine, des souliers pour André. Un chien pour Sébastien, un chat pour le petit loco. Non, non, non, la cour. Ah oui! Père Noël, apporte tes bébelles. J'en ai eu, puis j'en veux plus, puis swing-les tout en vue. Oh, Père Noël, apporte tes bébelles. J'en ai eu, puis j'en veux plus, puis swing-les tout en vue. Colin, as-tu une poule qui pond tous les matins? Colin, as-tu une poule qui pond tous les matins? Elle a peut-être fait sa ponte dans la cour à matin. Tu n'entends pas mon enlis. Wow! Dans le temps du jour de l'an. C'est Noël car il neige dans la tête. Partout, partout, les flocons sont. Noël est pour pas que tu t'embêtes. Voici pour toi ce joli rubis. Oh, à minuit, nous irons à la messe de minuit pour prier Jésus, notre seul ami. Et après, nous irons chez mon oncle né. Paraît qu'il fait du maudit bon pâté. Oui, je crois qu'il mourira en croix. C'est Noël et j'espère qu'à minuit. Oh ma chérie, je serai ton seul messie. Oh ma chérie, je serai ton seul messie. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon. Le petit reine au nez rouge, rouge comme le mignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Comme un ange au nez rouge, tu conduiras dans le ciel. Avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Le chariot du Père Noël. Le chariot du Père Noël. prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière, aïe trou. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas. Je te fais des belles façons, je te chante des belles chansons. Donne-moi un don. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec eux. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec eux. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. Je suis présentement avec la volée de Castor. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous amène dans le coin, les gars. Ben en fait, on vient présenter notre nouveau show du temps des fêtes, vraiment axé sur le temps des fêtes, le 27 décembre au Maquisard ici à Trois-Rivières. Puis vous avez un nouvel album, je pense. Oui, le sixième album de la formation qui s'intitule l'album du temps des fêtes. C'est vraiment un album qui sort un peu des cinq premiers qu'on a fait, dans le sens qu'on a vraiment pris cette fois-ci des classiques de Noël et du jour de l'an. Puis on les a un petit peu adaptés à la musique traditionnelle de la volée de Castor. Est-ce que ça vous dérange justement que souvent on ressort le trad juste pour le... Ben, c'est pas vrai, mais dans la croyance populaire, on ressort le trad pour le temps des fêtes. Ça vous dérange-tu ou ben vous vivez bien avec ça? Ben, ça nous dérange. Ça nous a beaucoup dérangé. On a milité un peu pour ça, évidemment, comme la plupart des groupes de musique traditionnelle. Nous, on en fait déjà à l'année. On se promène un peu partout. Donc, pour nous, ça fait déjà très longtemps que c'est plus de la musique essentiellement du mois de décembre. Mais oui, dans la tête des gens, c'est bien ancré. Veux pas avec les parties de famille, les vacances, tout, c'est là que les gens en écoutent le plus. Donc, on n'a pas abdiqué, mais d'un autre côté, c'est une période qui a beaucoup de musique traditionnelle qui joue. Donc, on en profite, on s'en plaint pas. On peut être ici au Québec à montrer notre nouveau spectacle. Je pense que vous êtes promené ailleurs pas mal dans le monde. Vous n'avez pas juste resté ici. Donc, vous faites vivre le trad... ailleurs que juste durant le temps des fêtes. Ben, la volée, au cours de sa carrière, s'est promenée dans plusieurs pays, une quinzaine de pays et quatre continents. Puis dernièrement, cet été, on est allé en France et en trois tournées en Espagne, d'ailleurs. Puis là-bas, c'est vraiment bien reçu. Même si on le chante des chansons à répondre en français, on essaie de les faire répondre avec nous, les intégrer dans notre équipe de spectacle. C'est excellent, ça. Puis vous êtes combien? C'est qui, la volée de Castor? Bien, la volée de Castor, c'est un groupe de six beaux jeunes hommes qui sont pas mal tous, presque tous originaires de la région de Joliette, dans la Naudière, autour de Joliette, des petits villages environnants. On a un percussionniste avec nous, plus axé sur les percussions latines. On a un tapeur de pied, évidemment, qui joue de l'accordéon, basse, guitare acoustique, violon. Une décharge d'énergie incroyable. Ben moi, personnellement, j'ai bien aimé justement le dernier album. On l'a fait jouer. Puis, je pense votre processus, tu dis, vous venez de la Naudière. C'est quoi? Vous allez chercher des pièces dans les familles ou dans le répertoire? Hein? Oui, pour faire nos pièces, évidemment, la volée va être originale par ses pièces, mais elle veut rester traditionnelle aussi. Fait qu'on fait encore de la cueillette. Ça existe encore, ce mode de cueillette-là, si on veut, de bouche à oreille où on se fait inviter chez du monde... qu'on connaît dans notre région, qui ont un répertoire immense. Puis quelquefois, ces personnes-là aiment ça garder les chansons pour eux. Maintenant que la volée est un peu plus populaire, ben il y a une meilleure réponse. Fait qu'on va chez ces gens-là. Ils nous chantent des chansons, on les enregistre, on amène nos instruments, on fait un petit party. Puis souvent, ils nous disent « Bon, ben je vous laisse mes chansons, faites ce que vous voulez avec. » Puis là, la volée, ben on s'amuse évidemment à les modifier au niveau des arrangements, surtout pour que ça sonne un peu contemporain, que ça soit 2006. On est quand même... des jeunes hommes, justement, comme on l'a dit, qu'on a grandi avec la musique des années 80, 80, 90. Donc, on a toutes sortes d'influences, on écoute toutes sortes de musique, on n'écoute pas juste du traditionnel. Donc, on veut que ça paraisse un peu aussi dans nos arrangements, puis même dans les instruments qu'on peut incorporer dans le thème. C'est l'hiver et le hameau tremblant, découvert d'un hydraton tout blanc, mais dehors les enfants courant triomphant. Regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois. Il a l'air imposant, le roi nègre qui soudain se lève blanc de bois. C'est l'hiver, ma chérie, je t'adore et je prie pour que le ciel toujours bleu nous sourit. Car l'amour vient souvent est aussi que jeu d'enfant qu'on va fondre au soleil du printemps. avec un vieux plumeau. Et l'on rit de son nez, tout enfariné. Regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois, où le jour et les enfants en cortège le saluent en criant de joie. C'est l'hiver, ma chérie, je t'adore et je prie pour que le ciel toujours bleu nous sourit. Car l'amour, bien souvent, n'est aussi qu'un jeu d'enfant qu'on voit fondre au soleil du printemps. C'est l'hiver, ma chérie, je t'adore et je prie pour que le ciel toujours bleu nous sourit. Car l'amour, bien souvent, n'est aussi qu'un jeu d'enfant qu'on voit fondre au soleil du printemps. C'est l'hiver, ma chérie, je t'adore et je prie pour que le ciel toujours bleu nous sourit. Car l'amour bien souvent est aussi qu'un jeu d'enfant qu'on va fondre au soleil du printemps. En ce moment, mettons, toi, quel album que t'écoutes dans ton auto, là? Ben là, de ces temps-ci, j'avoue que vu que c'est la période des fêtes, il y a énormément d'albums traditionnels qui sont sortis. Je fais un peu le tour de ça. Mais il y a des incontournables qu'on écoute toujours, que j'écoute toujours, comme Led Zeppelin. Moi, je suis un fou aussi de Tea Party, de Jeff Martin, qui a sorti des choses récemment. Puis il y a les Beatles. Écoute, la gamme est vaste dans tout le groupe, en plus, parce que ça va jusqu'à Genesis, ça va jusqu'au rock. Frédéric a joué avec beaucoup de d'autres musiciens aussi avant de se joindre à nous. Donc, on a vraiment un bon éventail de toutes ces musiques-là qu'on écoute. OK. Puis dans la musique émergente au Québec, parce qu'on sait que ça va quand même bien, y a-tu des trucs qui vous intéressent? Ben, ce que je trouve encore plus intéressant que les styles de musique qui sortent, c'est surtout les groupes. Ouais, c'est ça. Les groupes de musique qui émergent. Il y a vraiment un bouillonnement, là. On le sent que la culture a envie de sortir partout, par toutes les oreilles du monde. Fait que, il y a les jeunes groupes comme Carquois, Malajub, qui ont un beau succès dans leur côté, là, un peu plus alternatif, un peu plus rock, si on veut. Moi, personnellement, j'aime bien aussi les Loco Locas, que là, on n'entend plus parler pour l'instant, mais qui vont sûrement revenir avec un autre dictionnaire de chansons. Ouais, quelque chose de fort. Puis, c'est ça. Puis même les jeunes auteurs-compositeurs, j'aime bien Daniel Boucher aussi. Martin Deschamps fait une belle job au niveau du rock. Puis, les jeunes, les groupes tendent à être de plus en plus solides, on dirait. Puis, je trouve ça le fun, parce que nous autres, on en est un groupe, on est un bel exemple que ça peut durer longtemps quand même. C'est combien de temps que vous avez? En fait, ça fait 13 ans. Donc, on peut prévoir pour 2008, pour le 15e anniversaire, wow, peut-être un nouveau petit cadeau. Excellent, ça. Qu'est-ce que vous pensez des radios communautaires par rapport justement aux radios commerciales, comme on dit, là? Trouvez-vous que c'est important, les radios communautaires et puis universitaires? Ben absolument, pour permettre justement la diffusion des fois à des artistes un peu plus underground, qui sont pas des artistes mainstream, de variété, tout ça, pour faire un travail de fond, parce qu'il y en a de la belle musique qui se fait au Québec, mais pas toujours jouée. Puis pour la musique traditionnelle aussi, d'ailleurs, qui n'est pas jouée sur ces stations-là. Donc, si vous êtes là pour ça, tant mieux. Ben, c'est ce que je m'en laisse. C'était mon question. Je m'en disais, est-ce que vous trouvez justement que vous, ça vous a aidé quand même, cette présence-là, CISM, Shiz, C'est fou, etc.? Ben oui, c'est bon, parce que c'est ça, tu as joué à une autre gamme de gens, puis même dans notre coin, tu sais, ceux qui veulent pas nécessairement écouter les grosses radios, c'est quand même de bons amateurs de musique. Puis des fois, c'est pour ça qu'ils veulent pas écouter les grosses radios, ouais, parce qu'ils veulent pas entendre les gros hits américains ou la grosse machine au Québec, les quelques artistes qui marchent beaucoup, qui vendent beaucoup. Ils veulent entendre d'autres choses, justement, un peu plus d'underground. Puis c'est ces radios-là qui font, justement, puis c'est peut-être aussi à cause de vous, des radios comme ça, que justement, il y a autant de petits groupes qui s'essaient puis qui marchent. Hein, les trois accords, si ça a marché, c'est parce que ça l'a passé par là aussi. Là, c'est pas les grosses radios qui ont décidé de faire jouer ça en premier. Puis Internet, est-ce que vous occupez de ça? Est-ce que c'est important pour vous? Ben c'est important. Ça fait beaucoup de promotion, ça fait beaucoup de publicité. Au niveau du piratage, c'est extrêmement dommage pour les grands artistes qui vendent beaucoup puis qui perdent beaucoup de ventes. La volée de Castor doit en perdre peut-être quelques-unes, mais je dois dire qu'au niveau du ratio, c'est moindre. On se comprend bien. Fait que du côté de la diffusion puis de la promotion, de la publicité, si on veut, que ça peut donner, c'est bien. Mais au niveau du téléchargement, je préfère quand c'est légal, évidemment, dans les règles de l'art. Bon. Puis, veux-tu nous rappeler, c'est quand votre spectacle? Oui, ça va être le 27 décembre. C'est au Maquisard, autour de 20h. Il y a des billets en vente au Maquisard. Puis venez voir le show de la volée. C'est vraiment notre show du temps des fêtes. Donc, il va y avoir des tunes qu'on a faites toute l'année, qu'on est allé faire en Espagne, justement en France, aux États-Unis. en plus d'y ajouter évidemment des tunes du dernier album, qui est vraiment un album de Noël et du temps des fêtes. Donc les gens vont avoir l'occasion d'entendre notamment une composition sur cet album-là qui s'appelle « La longueur d'année ». Il y a des medley de chansons qu'on fait aussi en spectacle, puis des airs que tout le monde connaisse déjà. Ben justement, votre medley sur le dernier album, assez excellent. Ça met le party, ça c'est clair. C'est clair. Puis si vous voudriez entendre une pièce pour se quitter, avec quelle pièce que vous voudriez qu'on mette? Pour être fidèle à nous-mêmes, peut-être Falala. Il y a une chanson, une reprise qu'on a faite, que tout le monde connaît déjà, mais qu'on a repris... On est très fiers du résultat que ça donne. Ça donne un petit résultat un peu irlandais pour nous parce qu'on a ajouté des pieds là-dedans. Le tempo est assez accéléré. Puis il y a un reel. Il y a trois chanteurs qui s'échangent la voix principale, si on veut. Donc c'est une chanson qui a pas mal d'énergie, pas mal de groove. Est-ce que c'est la pièce que Bondoc avait repris, ça? Oui, c'est exact. Ben, c'est les textes français de Bondoc. Même avec une influence de ses arrangements, si on veut, qui est une reprise, évidemment, de Deck the Hall, qui est une chanson de Noël connue depuis longtemps. Donc, merci beaucoup, La Volée de Castor, puis on continue de vous suivre, puis on vous écoutera pas juste durant les fêtes. Ouais, merci beaucoup. Tant que la neige tombera ce soir, la la la la la la la la, et que le ciel aura son voile noir, la la la la la la la la, ils garderont en eux l'espoir. La la la la la la la la, leurs sourires deviendront vivants. La la la la la la la la. Les enfants sont plutôt sages. La la la la la la la la. Fiers et beaux comme des images. Garderont leurs yeux ouverts. La la la la la la la la. C'est leur nuit, c'est leur Noël. Ça met dedans, hein? Hey, sérieux, là? Ah, wow! La Volée de Castor. On a entendu trois pièces pendant l'entrevue que Danny a réalisée avec La Volée de Castor en décembre. Mais c'était tout un bloc que tu nous as présenté là, Mathieu, hein? Ben, merci à toi, Danny, pour l'entrevue qui a traficoté ça à l'intérieur. C'était super. Bon, ben, super. On se remercie. On est bon. On est bon. On te tape dans le dos. On se le dit jamais assez. Ah, t'es fin, Danny. T'es bon, toi aussi. Bon, donc, on a entendu pendant l'entrevue que Danny a réalisé récemment avec La Volée de Castor trois pièces. La première, c'était Que les fêtes commencent. Ensuite, c'était Le bonhomme de neige. Et puis, on a terminé par Falala. Et petite plug, La Volée de Castor, comme je disais dans l'entrevue, au Maquisard le 27 décembre. Puis, les tireux de roche, parce que peut-être qu'il n'y aura plus de place au Maquisard. Au Gambrinus, les tireux de roche le 27 décembre aussi. Donc, ça va être le party le 27. Il faut absolument être là. Oui. La Volée de Castor, c'est festif, c'est bon, ça met vraiment dedans. Quelque chose que j'attendais justement d'être dedans. La température ne nous aide pas vraiment là-dessus. Non, mais comme je disais tantôt, c'est dans la tête, là, parce que c'est vrai qu'avec un petit filet de neige, ça serait plus beau, ça serait plus cute. Mais bon, donc on espère vous avoir aidé là-dessus. On va être de retour pour une deuxième heure de la chanson Coureur des Bois dans quelques minutes, vers les midi 10 dans ces coins-là. Mais d'ici là, on a le temps pour une dernière pièce de la Vallée de Castor. Ouais, on va aller prions en église, donc le medley de cantiques. Moi, personnellement, j'ai quand même, quand j'étais jeune, j'ai été souvent à l'église. Aujourd'hui, c'est presque full, ouais. Impossible de dire des gens. Je te parle pas juste à la messe de minuit, là. Ouais. Le les jeunes qui vont à la messe, il y en a plus ben. Mais moi, quand même, j'y étais pas mal. Puis donc, c'est toutes des tracks que je connais, des tracks que j'ai chantées. Prions en église. Yes. En église. Les vallées de Castor. Faut pas dénigrer quand même d'où on vient. Ben non, c'est ça. Allons voir le Messie. Vous écoutez la spéciale, la chanson au Coureur des Bois 2006. Cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons-le sous le troupeau, qu'il erre à l'aventure. Que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Alléluia, chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où des bergers égarés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Chantez, chantez Noël. La chanson au coureur des bois revient dans 10 minutes après les superbes nouvelles de Radio-Canada. Restez là. Plus de nouveautés, mon petit garçon. Oui, mon petit blanc, c'est la chance au coureur des bois. Bon, retour, c'est la deuxième heure de la chance au coureur des bois, troisième édition. Ici avec Mathieu Plante et Danny Janvier, l'incrédible Danny Janvier. Oui, t'as comme deux personnalités, là, je te reconnais plus. Mon accent, je pourrais le garder valeur que l'émission complète. C'est peut-être fatigué un peu pour le monde, mais bon. C'est bien, mon débuffron! Bienvenue dans le chat! C'est toi une bûche, mon homme! Petit blanc. Donc, vous êtes à l'émission où on découvre les nouveautés des fêtes de Noël, du jour de l'an, de la musique traditionnelle. Tout ça qui est sorti pendant l'année 2006, on garde... La thématique des fêtes, dans le fond. C'est ça. Mais on garde le principe de la chanson coureur quand même. Il faut que ça soit sorti pendant l'année. Jusqu'à maintenant... On ne peut pas aller chercher du vieux stock de l'année passée, parce qu'on aurait pu. Hein? C'est ça. On aurait pu remplir les deux heures de ça, mais on se calme un petit peu. On a entendu les risques du plasmé jusqu'à maintenant, les tireux de roche, la volée de castor, le Henry Band. On a une entrevue avec la volée de castor qui va se retrouver sur le site. Moi, à date, la volée de castor, ça serait mon coureux de la semaine. Coureux de la semaine, ça va être à date, ça, c'est ça. Ça va être là. L'entrevue est excellente et elle va être sur le cifre.ca/chance. Ouais, on est allé se promener à Saint-Paulin, on prenait une marche. T'as entendu les pas? Je tenais ça avec les mini-cycliches, l'affaire qui en a risque. Mini-cycliches, le pétrole, l'iPod. Avec les microphones. Avec un iPod et un microphone. C'est ça. On commence cette deuxième heure par quelque chose de, je dirais, saillant. Hein, qui est un adjectif qu'on pourrait utiliser, saillant. Totalement. Tout à fait. Ça s'appelle Gestation Rap. Si vous n'êtes pas un fanatique de la première heure de la chance aux coureurs, vous n'avez peut-être pas entendu encore Gestation Rap, qui est un groupe de musique émergent. Et Danny les connaît très bien. Il va nous les présenter un petit peu. C'est qui ce Gestation Rap, donc? Ben, Gestation Rap, premièrement, c'est une formation de rap, crunk, emo. Rap, crunk, emo. Qui ont pignon sur rue sur myspace.com/gestationrap. Slash gestation rap. C'est des gens qui ont vécu des trucs très durs dans leur vie. Dans le ghetto. Dans le ghetto de Sainte-Cécile, ici même à Trois-Rivières. Okay. Donc, puis là, les gars se sont pris main dans la main et ont décidé de composer une pièce pour de Noël. Qui s'appelle C'est cool Noël. On a enregistré ça là, deux jours, le 20 décembre. Et puis ça a été fini de monter hier. Donc c'est quelque chose de tout chaud, tout frais, tout beau pour vous. C'est beau. Et ça puis, va être sur leur album Tous Ensemble Ensemble. Tous Ensemble Ensemble qui s'en vient sûrement pour le début de l'année 2007. Parce que les gars, ils sont vraiment marketing. Ils voulaient pas sortir un album 2006 à la fin de l'année. Ben non. Ils ont dit on retient ça. Quand c'est écrit 2006 à la pochette, là, c'est pas ça. On sort des canons justement s'ils veulent être dans les choix de l'année prochaine de C'est fou. C'est ça. Il faut que ce soit en 2007. C'est ce que je me dis. Donc, la pièce s'appelle C'est cool Noël. C'est ce qu'on s'en va entendre, c'est cool Noël, parce que. Pourquoi? Ben, parce que c'est le top. Parce que Gestation Rap, c'est Noël. C'est ça. C'est l'esprit de Noël en boîte. Le v'là. Gestation Rap est revenu. Chanson de Noël 2006 pour les parvenus. Tout le monde est ici. MC Smad, DJ mange la marde. Le Mystique Colin, s'il vous plaît. Plutôt en featuring, je vous la chante en anglais. I was becoming an Englishman, but I'm no Jew or no Kaken. I will be nice to my brother, I will be nice to my father. But don't ask me to be nice with stranger. I'm no Jew, I'm no English, I'm Spanish. Plutôt on vit dans le ghetto. On n'a pas d'argent pour le fêter cette fête-là. Par contre, on est là avec les stations rap, becoming featuring. Tout ce que tu veux, le veux-tu en anglais, le veux-tu en espagnol, le veux-tu en congolais? Tu vas l'avoir en français. Donne-moi-en si ce mat t'es là pour Noël. Fais plaisir à tes fans. Plaisir tout de suite. Tiri-tuta, toi ensemble, 3, 4. C'est Noël, tu sais pas trop ce que tu vas acheter à tes enfants. T'es stressé, tu te demandes, ouais, je veux pas assez d'argent. Pas stressé, ça se passe pas, c'est pas important ta Noël. L'important c'est l'amour, qu'on s'aime toutes, qu'on tripe ensemble, qu'on ait des petites affaires à faire. Mais l'important c'est l'amour, pas besoin de cadeaux. Moi dire une chose, le gros, t'es un esti de paix. C'est important d'acheter des esti de cadeaux pour ta famille. Des gros cadeaux avec plein de camarades. Dessus. Comme quand tu vois du monde qui parle de toi. Quand tu vois le monde qui tripe de magie. La magie de Noël, c'est toi qui a fait ton cash. Gestation Rap, on est là avec des cadeaux pour toi. Des cadeaux, des maisons, des autos, le tissu pour toi. Oh. C'est pas important que tu penses que l'autre est plus fort que toi. Fêtes, Noël c'est le temps de s'aimer. Noël c'est le temps de marcher main dans la main. Mais pour moi, Noël, si t'es pauvre, t'es pas le Noël. Noël c'est quand tu peux te la chier dessus. J'suis vulgaire. Pis j'suis tatoué, man. Noël c'est pour moi. Hey, le pauvre, tu peux pas payer de cadeaux tes enfants? Ben c'est pas mon problème. Pas capable d'acheter de dinde pour la tacotime? Va chier. Thank you. passages pour c'est des gens qui pissent pas par en dedans. Nous autres, on est ici. Nous autres, on est avant. Nous autres, on est en deux temps du sous-sol. Nous autres, on rock, on rock, on rock, on rock a ball. On rock a ball, like a ball, fuck a ball, tac a ball. Donne-nous un à 2, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 2, 7, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 2, 7, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 2, 7, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 2, 7, 3. Donne-moi un tourbillon, je vais te faire une maison. Donne-moi une vieille vidange, je vais te faire un archange pour mettre sur le toit de ton arbre. Nous serons des betteraves, nous serons heureux, unis dans la vie. Sous le son de quoi? De la léthargie. C'est pour ça que j'utilise des mots que je ne connais pas mais que je trouve beaux. C'est qu'on a elle, c'est qu'on a elle, c'est qu'on a elle, c'est qu'on a elle, c'est qu'on a elle, c'est qu'on a elle, c'est qu'on a elle. C'est cool Noël! C'est cool Noël! Waouh! Waouh! Ça fesse fort! Me v'là abasourdi! Un autre mot que je connais pas, mais je l'utilise parce qu'il est beau. Je connais pas, mais que je trouve beau. La gestation rap avec leur thème récurrent, leur musique monopolistique, leurs paroles sympathiques et leurs membres super sympathiques. Sympathiques encore. Deux fois ils sont très rassembleurs, on le voit tout de suite. Tous ensemble, ensemble, et le nom de leur futur album. Puis on voit qu'il y a un gars comme, mettons, MC Smat qui est assez rough avec les gens. Hein? Il est vulgaire, il va, tu sais, il va chier. Il ne traite pas. Il dérange pas, tu sais. Du revers de la main, mettons. Ou de la cuillère. N'importe quel membre de votre corps. On voit le mystique colonel, s'il vous plaît, qui est plus humaniste. Plus poli. Il aime les mathématiques, ça se voit. À chaque chanson, il y a un thème de 1, de 2, de 4, de 7. Tout le temps, il y a des mathématiques. C'est clair. Non, mais c'est vraiment le grand cœur du groupe, c'est clair. C'est le mystique colonel, s'il vous plaît. La grande gueule, je dirais. J'aimerais bien te contredire sur ce point-là. Le cœur du groupe, c'est aussi DJ Mange de la Merde. J'avoue qu'il travaille fort dans l'ombre. DJ MDLM, on n'en parle pas souvent, mais quand on en parle en bien parce qu'il est là, puis il travaille fort derrière, il monte toute cette musique-là. Il est DJ Mange de la Merde. Oui, hein? MDLM DJ. Et le featuring de Fluto. Fluto, qui va peut-être revenir dans certaines compositions. On aimerait ça. Puis même, on sait que Gestation Rap sont là pour le crew, sont là pour la gang. C'est ça, ils sont pas individualistes. Tous ensemble. Des featuring, on peut en mettre sur toutes les tunes. Nous autres, ça nous dérange pas. Puis ils sont pas là pour être la vedette. Ils sont là pour être le groupe en tant que tel une vedette et non pas la personne dedans. Ils se passent le mic. C'est ça. Ils se le passent. Exactement. C'est des gars qui se passent le mic. Gestation Rap, le nom de la pièce, c'est Cool Noël. Le nom de l'album, c'est Tous Ensemble Ensemble. C'était merveilleux. Allez voir myspace.com/. Gestation Rap. Puis si t'es tout seul chez vous à Noël, ben on peut aller chiller chez vous. Comme ils disent dans leur tout, dans la main. Écris-nous un email, pas de trouble. myspace.com/TheKit. On s'en va chiller chez vous, tu vas être content, tu vas avoir des amis. C'est ça que ça dit d'autre. Parce que c'est nous qui est la vie. C'est vrai. Parce que Gestation Rap, c'est la vie, c'est Noël, c'est plein de choses. Ben, c'est le côté engagé de l'homme, je pense. Et voilà, l'évolution même de la vie. Gestation Rap, voilà. Prochain album qu'on a reçu, évidemment, on ne peut pas sauter par-dessus nos amis de chez Mes Aïeux. Des bonnes personnes. Beaux. Des bonnes personnes. Même eux, on pourrait les inviter à faire des featuring. Exactement. Mes Aïeux sur une pièce de Gestation Rap. J'ai dit Génération Rap parce que la pièce s'appelle Dégénération. Ils pourraient faire Dégénération Rap. Ça pourrait être le nom de la pièce. Ça serait excellent. On les invite si ça le tente. On sait qu'en grosse personnalité comme ça, des fois, c'est assez difficile de dealer, là, mais bon. Ben oui, ils ont des agents quand même. Le nom de l'album, c'est Tire-toi une bûche. On s'en va entendre. Qu'est-ce que t'en penses d'entendre la pièce Dégénération un peu? Ben, moi, je trouve que c'est la meilleure. Et c'est Dégénération slash le reel du fossé. Et version live. Version live en spectacle, comme on dit, parce que live, difficile de pas faire ça en spectacle. Donc, les membres du groupe Mes Aïeux, très, très bons. Allez vous procurer cet album-là. C'est un CD-DVD. Il y a des vidéoclips, dont la pièce Dégénération, plusieurs autres aussi. Il y a des extras, même un paquet de chansons que vous connaissez peut-être pas d'eux. Vraiment, album, s'il manque un petit cadeau pour ma tante ou grand-maman, l'idéal. Mais pas parce que c'est de la musique de ma tante, là. C'est juste que c'est sûr que ça peut plaire à tout le monde. Day Party, ça plaît aussi. Donc, Mes Aïeux, tire-toi une bûche en famille. Et voici la pièce Dégénération ici à la chance. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop chèvrette en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin-tête. Change de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. De mes aïeux au retour au spécial La Chance. Oh, cool. Wow. Ah, c'est fou, 89 FM. Bonsoir. Vous écoutez le troisième spécial annuel La Chance au coureur des bois. Ah, c'est fou, 89 FM. Voici mes aïeux avec qui nous mène. On enchaîne ça avec une petite chanson qui parle de courage. Ça s'appelle qui nous mène. C'est clair, le navire a perdu le cap. La marchandise humaine est entraînée dans la dérape. Et les médias manipulent la masse pour maintenir le mur en place. Dans des soirées mondaines mondiales, capitaine carnassier qui joue aux cartes notre capitale. À tribord, un sommet de glace a déchiré la carapace. Rapace! Embarquons le canot des corps amis, remontons le courant. Pour amener de toutes nos forces, on arrêtera de notre enceinte. C'est bon. C'est clair. Ah, hein? C'est bon. Ah, ça, ça met dedans, ça. Ça, c'est ça de la aussi, musique. Petit succès pour le temps des fêtes 2006. Absolument. La pièce, c'est bien sûr la pièce qui nous mène de Mes Aïeux. Ça vient de leur album Tire-toi une bûche, album live. C'est beau en plus. C'est un beau coffret, un beau petit coffret de deux disques. Un CD puis un DVD. Rempli de bonus, de choses que vous n'avez jamais vues ailleurs. Des extraits d'émissions où Mes Aïeux sont passés. Il y a même une recette quand le chanteur est allé à la Distasio. À la Distasio. Ouais, il y a plein de trucs. Wow, Mes Aïeux, donc Tire-toi une bûche, c'est à se procurer d'ici les prochains jours, si vous voulez pouvoir le faire jouer pendant vos parties des fêtes. Excuse, c'est la recette de fraises au poivre de mademoiselle, Madame Caron. Ben oui, mais là, fallait le préciser. Fallait que je te... Ben oui, c'est ça. Ben oui. On passe à Antoine Gauthier, qui nous envoie un album de violon traditionnel du Québec. Ça m'a l'air très bon pour vrai. Donc, il y a plusieurs reels là-dessus. Il y a plusieurs rigodons. On parle, mettons, du reel de l'accident, du reel du goglu qu'on va entendre, du reel des patineurs, de la grève étudiante, mon père dans son jardin. Oh, 6-8 de la pêche à la mouche et quadrise du hockey sur table première période. Lui, il tentait aussi. Oui, c'était tentant. On verra, peut-être. Autant que des fraises au poire. Enfin bon, on s'en va entendre le reel du goglu, on va entendre ensuite rigodon à ma tante. Un bon biscuit goglu dans le lait, là. C'est pour le Père Noël. Ça existe encore, les biscuits goglu? Ben oui. Ah ouais, c'est bon. Ça. Antoine Gauthier, tout de suite, à la chanson. Coureux des bois. Yes, d'Antoine Gauthier, de l'album Violon traditionnel du Québec, on a entendu le rigodon à ma tante. Et puis au début, c'était Reel du goglu. ça, là, t'écoutes ça en buvant une gros cochon. Une gros bière, cochon gros avec cochon, des chips gros cochon qui viennent avec, là. Ouais. Ou une Alberta's Best. Excellent. Mm-hmm, ça a l'air bon, ça me donne soif. La bonne poutine, très fort. Vous êtes à la troisième édition du spécial La chance aux coureurs des bois 2006. On écoute la musique des fêtes, la musique de Noël, du jour de l'an, la musique traditionnelle, tout ce qui est sorti en 2006, ici, qu'on a reçu assez fou, évidemment, dans La chance aux coureurs, émission spéciale, comme ça, il nous reste environ, quoi, une petite vingtaine de minutes. Hein? C'est vrai. 20 minutes de bonheur. De pur bonheur. On s'en va à un album qui s'appelle Un party à la boîte à chansons, et on va écouter une pièce qui s'appelle Real Messen's Apron. Hein? Je déteste la pochette, c'est-à-dire. Ben, c'est genre un micro sur fond, comment dire, ah, c'est quoi la... Sépia. Sépia, c'est ça, je cherchais, t'es donc bien bon. Un micro, puis c'est marqué « Un party à la boîte à chansons ». Et puis, c'est Régent Desjardins, c'est marqué sur le côté Régent Desjardins, donc j'imagine que c'est lui qui a fait ça. Donc, vous pouvez aller voir laboîteachansons.com, boîte à chansons, chanson est au pluriel. Ça dit, cet album est dédié à toute la grosse famille de la boîte à chansons, particulièrement à tous ceux et celles qui ont cru au concept. Mon accent vient et part. Les boys et les girls qui n'ont jamais manqué un party. Il vient puis il repart. Mais voilà, merci à David pour ton violon, ton talent, ton oreille de technicien, surtout ta patience. Les voyageurs de la Gatineau est une chanson traditionnelle que je dédie à deux musiciens qui furent des partenaires pendant 15 années. C'est tellement beau à voir, ça. Maintenant, on va entendre Real Mason's Apron. Et après ça, on va entendre différents accents qui se mélangent. Le Real Irlandais, pour fêter avec notre prochain. On dirait qu'on est plusieurs. Et c'est comme si on se donnait le mic represent. Vous écoutez le spécial La chance au cours des bois. Ah, c'est fou, 89.1. J'aime pas qu'on chatouille la bisoune. J'aime pas qu'on chatouille. Non, hein. On s'est dit qu'on passerait pas celle-là. Moi, j'aime ça quand on chatouille la bisoune. On la laisse aller. Derrière chez nous, y'a un shampoing. Derrière chez nous, y'a un shampoing. Derrière chez nous, y'a un shampoing. J'en cueille deux, j'en mange trois. La bisoune dans l'air. J'aime pas qu'on chatouille la bisoune. J'aime pas qu'on chatouille. J'aime pas qu'on chatouille la bisoune. J'aime pas qu'on chatouille. J'en cueille deux, j'en mange trois. J'en cueille deux, j'en mange trois. J'en cueille deux, j'en mange trois. J'en cueille deux, j'en mange trois. J'étais malade au lit trois mois, la bisoune dans l'air. J'aime pas qu'on chatouille la bisoune. J'aime pas qu'on chatouille. J'aime pas qu'on chatouille la bisoune. J'aime pas qu'on malade au lit trois mois, j'étais malade au lit trois mois, j'étais malade au lit trois mois, j'étais malade au lit trois mois. Tous mes amis venaient m'y voir, la bisoune dans l'air. J'aime pas qu'on chatouille la bisoune, j'aime pas qu'on chatouille. J'aime pas qu'on chatouille la bisoune, j'aime pas qu'on chatouille. Tous mes amis venaient m'y voir, tous mes amis venaient m'y voir. J'aime pas qu'on chatouille. J'aime pas qu'on chatouille la bisonne. J'aime pas qu'on chatouille. Celle que j'aime ne venait pas. Celle que j'aime ne venait pas. Celle que j'aime ne venait pas. Celle que j'aime ne venait pas. Je l'aperçois venir là-bas, la bisonne dans l'air. J'aime pas qu'on chatouille la bisonne. J'aime pas qu'on chatouille. J'aime pas qu'on chatouille la bisonne. J'aime pas qu'on chatouille. Je l'aperçois venir là-bas, je l'aperçois venir là-bas, je l'aperçois venir là-bas, je l'aperçois venir là-bas. Me mis la main sur l'estomac, la bisonne dans l'air. J'aime pas qu'on chatouille la bisonne, j'aime pas qu'on chatouille. J'aime pas qu'on chatouille la bisonne, j'aime pas qu'on chatouille. Me mis la main sur l'estomac, me mis la main sur l'estomac, me mis la main sur l'estomac. Mets-moi la dent un peu plus bas, la bisoune dans l'air. J'aime ça qu'on chatouille la bisoune. J'aime ça qu'on chatouille. J'aime ça qu'on chatouille la bisoune. J'aime ça qu'on chatouille. J'aime ça qu'on chatouille la bisoune. J'aime ça qu'on chatouille. J'aime ça qu'on chatouille la bisoune. J'aime ça qu'on chatouille. La radio est présentement prise dans la glace au 89.1. aurait Jean Desjardins avec la pièce Le Reel irlandais. Justement, c'était Reel Mason's Apron. Et au début, c'était La bisoune en l'air. Yes, sir. Ça vient de l'album Party à la boîte à chansons, ici au spécial La chance. Ça swinguait aux couleurs. Et wow. bon, prochain album qu'on va entendre, une petite pièce de l'album Classic Canadian Songs de Smithsonian Folkways. C'est un paquet de chansons traditionnelles canadiennes de différentes sorties régions. Sorties des Boulamites, là. C'est des vraies vieilles versions. C'est pas ça. des c'est pas refait, qui ont refait. Là. C'est vraiment du vieux stock. Celle qu'on va entendre, c'est par Jean Carignan and Friends. Hein, c'est une pièce québécoise de cet album-là. Et c'est un medley de différentes pièces. Les fraises et les framboises, le festin de campagne et Ah, si mon moine voulait danser. Et ça va être très bon. On revient après avec encore un petit peu de résidu plasmique, si ça vous tente. Ouais. Peut-être un petit bend de trad aussi, là. Peut-être un petit peu. Bon, on verra le temps qui nous reste. Au spécial, La chance. Au coureux des bois. Ah, c'est fou, 89 FM. Ah, oh, les fraises et les framboises, du bon vin, j'en ai bu. Croyez-moi, belle villageoise, jamais je me suis tant plu. Ah, oh, les fraises et les framboises, du bon vin, j'en ai bu. Croyez-moi, belle villageoise. Sur la route de Longueuil à Chambly, j'ai rencontré trois belles filles du pays. Ah, les fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, belle villageoise, jamais je me suis tant plu. Ah, les fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, belle villageoise. Jamais j'en suis non plus. J'ai fait risette aux jeunes, c'était les plus jolies. Il me cligna de l'œil en me disant ceci. Ah, les fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, belle villageoise, jamais je me suis non plus. Ah, les fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, belle villageoise. Jamais je m'en suis tant plus. Nous avons fait un festin de campagne. Nous avons invité les voisins, tous les parents, nos femmes. Et moi chantais, tout le monde criait. Hip, pompon du fun, y en avait pour tout le monde. Y en avait pour tout le monde. C'était le joueur de violon qui était pas mal en fête et qui cherchait son arc-en-son à quatre pattes sur le poêle. Et moi, je chantais, tout le monde criait « Hip, pompon du fun, y en a pas pour tout le monde. Y en a pas pour tout le monde. » C'était la maîtresse de maison qui s'appelait Pifus. Elle a composé cette chanson, la plus belle chorus. Et moi, je chantais, tout le monde criait Hip, pompon du fun, y en avait pour tout le monde. Y en avait pour tout le monde. Compositeur de cette chanson n'est pas bien loin de vous autres. Vous n'avez qu'à lui passer le facon et vous en chanterez une autre. Et moi je chantais, tout le monde criait Hip, pompon du fun, y en avait pour tout le monde. Y en avait pour tout le monde. Ah, si mon moine voulait danser, ah, si mon moine voulait danser. Ah, si mon moine voulait danser, ah, si mon moine voulait danser. Ceinturon, je lui donnerai un ceinturon, je lui donnerai. Un ceinturon, lui donnerai, un ceinturon, lui donnerai. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin Martin. Tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin Martin. Ah, si mon moine voulait danser, ah, si mon moine voulait danser. Ah, si mon moine voulait danser, si mon moine voulait danser. Un capuchon lui donnerai, un capuchon lui donnerai. Un capuchon lui donnerai, un capuchon lui donnerai. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas moulin long là, tu n'entends pas moulin marcher. Tu n'entends pas moulin long là, tu n'entends pas moulin marcher. Ah, si mon moine voulait danser, ah, si mon moine voulait danser. Ah, si mon moine voulait danser, ah, si mon moine voulait danser. Un froc de bure, je lui donnerai, un froc de bure. Je lui donnerai un froc de bure, je lui donnerai un froc de bure, je lui donnerai. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas moulin long là, tu n'entends pas moulin marcher. Tu n'entends pas moulin long là, tu n'entends pas moulin marcher. Ah, si mon moine voulait danser, ah, si mon moine voulait danser. Ah, si mon moine voulait danser, ah, si mon moine voulait danser. Bien d'autres choses, je lui donnerai, bien d'autres choses, je lui donnerai. Bien d'autres choses, je lui donnerai, bien d'autres choses, je lui donnerai. Danse, mon moine danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas moulin long là, tu n'entends pas moulin marcher. Tu n'entends pas moulin long là, tu n'entends pas moulin marcher. Un medley de Jean Carignan and Friends, les fraises et les framboises, le festin de campagne, et ah, si mon moine voulait danser, ici au spécial, la chance au cours des bois. Hein, c'était dans le ton, ça, je pense. C'est très bon. Il nous reste une seule pièce. On a le temps pour les risques du plasmique. C'est quoi la pièce que tu as choisie déjà? Félix Navidad et non Félix Navidad. C'est Félix Navidad, pas Félix le chat. Non, non. Pas Félix le... Hey, wow! Tout de suite, risque du plasmique. Navidad. Navidad. Pièce des risques du plasmique de leur album Noël autour de la Terre. Quand je dis leur, c'est plutôt son album, hein, Claude Giroux. C'est bon? Oui. La pièce, c'est Félix Navidad, pas Félix le chat. Vous pouvez télécharger les MP3 des pièces de cet album-là sur lefamillecg.com. Les risques du plasmique, à chaque saison, à chaque fête, à chaque événement de l'année, on reçoit un album de lui. On est toujours bien content. Ouais, lui, il set avec, mettons, des centres d'achat. Quand c'est les décorations de Noël, c'est de la musique de Noël, décorations d'Halloween... Musique d'Halloween, décoration de la Saint-Valentin, etc. Et c'est l'air. Ben, ça fait à peu près le tour pour le spécial La chance au coureur des bois pour cette année au complet. Bonne matinée, hein? C'était vraiment intéressant. On a bien aimé ça. Donc, ben voilà, c'est la fin de La chance au coureur pour l'année au complet. Nous, on sera pas là le 29 décembre. Mais hein? Nos coureurs des bois, moi, je dis, c'est la volée de castor. C'est définitif, c'est la sérieux, volée de castor. Ce matin, là, c'est ce que je m'a fait le plus élevé, mettons. Yes. Donc, le 29 décembre, on n'est pas là. On n'est pas là non plus le 5 janvier. On va être de retour dans une nouvelle case horaire le 12 janvier 2007. Ça va être de 10h à 13h à partir de là et en rediffusion les jeudis suivants de 13h à 16h. N'est-ce pas merveilleux, Danny? Oui, avec un tout nouveau son, nouveau rayonnement, tout le kit. Ça va être beau. Ça va être très, très beau. On va vous tenir au courant. Moi, je vous retrouve à la connexion aussi en janvier. On reviendra là-dessus plus tard. Et puis, soyez là ce soir pour le spécial C'était fou en 2006 de 17h à 21h. Moi et Jack, on va présenter les 100 pièces les plus jouées sur les ondes de C'est fou. Et ça va être en rediffusion aussi le 29 décembre. Donc, soyez là à Loa, comme je l'ai dit. Danny Janvier, à dans 3 semaines dans ce coin-là. Je vais m'ennuyer de toi. Bon party. Joyeuse fête à toi. Restez là pour Rock Classique, ça va être merveilleux ça aussi. Et de la part de toute l'équipe, Danny Janvier, moi-même et le reste de l'équipe fictive, dans le fond, bonne année et bonne chance. Hein? Encore.